Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au mois de mars 1987, pour les chemins de la connaissance, Jean Dev rencontrait James Baldwin pour une série de 5 entretiens. L'écrivain américain s'était exilé en France une première fois en 1948. À Paris, j'ai réussi à me débarrasser de tous les stéréotypes dont m'avaient infligé mes concitoyens. Et une fois que vous en êtes débarrassé, c'est irréversible. À Paris, on me laissait tranquille, tranquille de devenir ce que je voulais devenir. Je pouvais écrire, penser, ressentir, marcher, manger, respirer, librement. Aucune sanction ne venait frapper ces simples faits humains. Même lorsque je mourais de faim, c'était différent des États-Unis. Ici, c'était moi, Jimmy, qui mourais de faim, et non l'homme noir que j'étais. Rentré aux États-Unis en 1957, James Baldwin s'impliqua alors totalement dans le mouvement des droits civiques. Mais profondément marqué par les assassinats des leaders noirs, celui de Martin Luther King en particulier, James Baldwin passa par la suite l'essentiel de son temps en Europe et à partir de 1970 à Saint-Paul-de-Vence, où il vécut et travailla jusqu'à sa mort, quelques mois après cette rencontre avec Jean Dev. Je m'appelle James Baldwin, premier temps d'une série de 5 entretiens avec l'écrivain américain pour les chemins de la connaissance, proposé par Jean Dev en 1987. My name is James Baldwin. Né à Harlem en 1924, James Baldwin a été longtemps le prophète inspiré du mouvement pour les droits civiques. Intégrationniste, il a analysé les préjugés raciaux des Blancs et fait appel à la conscience morale des Américains. Rompant avec les États-Unis, il part pour Paris en 1948 et, dans une pauvreté extrême, écrit « Chronique d'un pays natal, personne ne sait mon nom, les élus du Seigneur, face à l'homme blanc ». Dont les nouvelles mettent en accusation la démocratie américaine. Il nous a parlé de tous les deux. Je préfère parler de mes livres, mais c'est... Et les livres et le vie, c'est mélange. Alors, on va peut-être commencer par Face à l'homme blanc. Commencer, James Baldwin, par Face à l'homme blanc. Et j'aimerais beaucoup que vous nous disiez quelles étaient les difficultés d'un noir à vivre dans l'Amérique des années 50. Enfin, pour moi, ça commence bien avant les années 50. Moi, je l'ai né dans les années 20. Et là, c'était la grande dépression, un peu la grande crise. C'était bref, la pauvreté. Exagérée, bien sûr, dans le cas d'un noir. d'une famille noire, d'une communauté noire. Quand les choses vont mal dans mon pays, aussi dans le vôtre, et en Angleterre par exemple, mais surtout maintenant en Amérique, quand les choses vont mal pour l'Amérique, ils vont beaucoup pire pour les Noirs. C'est toujours vrai d'ailleurs. Le livre de Face à l'homme blanc, Going to Meet the Man, c'est jusqu'à 8 nouvelles. Qui commence avec ma jeunesse, mon enfance en fait, les deux gars qui jouent sur le rocher par exemple, ça c'est à peu près des années 30 quoi. Et jusque la dernière nouvelle c'était Face à l'homme blanc je crois, l'histoire de shérif, etc. Et ça c'est les années 50 ou 60 plutôt, pendant la lutte pendant l'époque du mouvement de droit civique. Il y avait, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il y avait ces shérifs, ces blancs, ces pauvres blancs, qui se sentaient tellement menacés, parce que plus menacés qu'un blanc plus ou moins à l'aise, parce que c'était juste à côté de la misère des Noirs, ils étaient mêlés dedans, ils vécurent ensemble, donc il a fallu sans cesse une espèce de distance. Et la seule façon de garder cette distance, c'était surtout à ce moment-là la brutalité, le meurtre, le lynchage. Oui, voilà. Et ça, c'est une psychose américaine, évidemment, ça marque la vie de n'importe quel noir. On peut dire aussi que ça marque la vie de n'importe quel blanc, mais ils n'ont pas forcé de se rendre compte. Il y a aussi une histoire d'amour qui est racontée dans Face à l'homme blanc. Une jeune noire s'attend à ce que son amant noir la quitte. Ah, tu parles de la fille là, Ruth, qui est liée avec un blanc, qui est en train de se préparer pour le quitter. Ça, c'est une histoire un peu difficile. Ah, c'est une histoire qui se passe plutôt à l'intérieur de la fille. Et sa relation avec son amant blanc se pose des questions assez graves pour elle, vis-à-vis elle-même, vis-à-vis sa couleur, vis-à-vis sa sexe, vis-à-vis ses désirs et ses possibilités. Elle est d'une certaine manière pigée entre le besoin de vivre et l'impossibilité presque d'être libérée des étiquettes qu'elle porte maintenant à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle se trouve d'une certaine manière pigée par cet amour qui est peut-être même pas l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut être libérée de la prison de sa couleur, la prison de sa couleur d'après le monde, qui juge, et par la suite, d'après elle, qui commence à porter en elle le jugement du monde. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est difficile d'aimer qui que soit, parce que tu as des difficultés d'aimer soi-même. Et c'est ça, sa situation. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ruth souhaita ne l'avoir jamais rencontré. Elle souhaita qu'il, ou elle, ou tous les deux fussent morts. Et pendant un instant, elle le souhaita avec une violence qui l'effraya. Peut-être l'idée de meurtre est-elle toujours enfouie au cœur même de l'amour. Un profond désir de tuer l'être aimé afin de pouvoir enfin être assuré de l'intimité ou de la paix et de jouir de la sécurité inviolable du tombeau. C'était peut-être pour cela que les catastrophes plus nombreuses et plus méchantes qu'un essaim d'abeilles tourbillonnaient au-dessus de la tête de Paul dès qu'il disparaissait de sa vue. À ce moment-là, alors qu'elle s'était crue prête à sacrifier sa vie pour lui, peut-être n'avait-elle fait que s'offrir une image nécessaire à sa propre tranquillité, la mort de Paul. Une mort qui aurait été une mauvaise revanche pour la couleur de sa peau, pour son échec, pour son manque d'amour, pour la délivrer de la prison intérieure. Face à l'homme blanc. Il y a quand même une mise en accusation de la démocratie américaine. Quoi? Non, je ne sais pas si je dénonce. C'est de toute façon plus facile et inutile aussi, il me semble. Mais j'essaie d'examiner. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis des soi-disant blancs? Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de cette démocratie? Parce que c'était leur idée. Et leur idéal, leur espoir, leur rêve. Il n'y a que eux qui peuvent le traduire ou trahir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je pose une question. Et évidemment, dans cette complexe, le noir, c'est le visage le plus frappant, le plus visible. Et la question de cette démocratie se pose dans cet visage. Et la question, c'est, on se demande si les blancs américains ou les blancs tout court, parce que le problème noir, c'est mondial maintenant. Si le monde qui est créé l'idée de démocratie, d'après eux de toute façon, veut vraiment le croire. Après tout, c'était basé sur beaucoup de choses, y compris l'esclavage. Et le monde économique, le bien-être économique était basé là-dessus aussi. Donc il y a toujours une espèce de contradiction entre le rêve, si tu veux, et la réalité. Et des fois, ça prend la proportion cruciale, ça devient une crise. Comme maintenant, c'est une espèce de sort d'Afrique du Sud, d'après moi, pose une espèce de crise morale pour le monde occidental. Comment vous avez vécu votre enfance? Est-ce qu'elle reste quand même un moment magique de votre vie? Oui, il y a beaucoup. Un enfant, c'est quand même une enfance, mais dans le pire des circonstances, un gosse est toujours un gosse. Mais oui, c'était, il y avait des choses formidables. D'ailleurs, c'était une communauté noire. Je veux dire que j'étais né à 24, donc j'étais de l'issue de génération, première génération noire qui était poussée de la terre à cause des émeutes après la Première Guerre mondiale. Donc mon père était parmi les autres qui montaient à Chicago, à Washington, à New York. Moi, j'étais né à New York. Et puisque c'était une communauté, tous les gosses étaient la propriété et la responsabilité de tous les aînés. Et malgré la pauvreté, malgré tout le danger, malgré les flics, on se sentait pas mal dans sa peau parce qu'on était protégé par la communauté. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la pauvreté n'était pas un scandale, n'était pas un crime. Tout le monde était pauvre, partagé. Et c'est pas que la pauvreté maintenant, la pauvreté, surtout en Amérique maintenant, tu risques de porter un jugement très sévère sur soi-même à cause de la télévision. Surtout parce que tu es affronté avec les images des choses qu'il faut que tu achètes et tu ne peux pas acheter. Et donc, tu risques de te mépriser. Ce qui n'est pas vrai quand tu es jeune. Et il y avait beaucoup de dangers, bien sûr, mais non, c'est pire. Mais comment on peut mesurer la pauvreté? C'était quoi ça à l'époque de votre enfance? Oh, le fait que le père était souvent en chômage. Le fait que l'appartement dans lequel on habitait, on avait du mal pour faire forcer le propriétaire de réparer les fenêtres, réparer le plafond. Il y avait les rats. C'était difficile, tout simplement. On était quand même, d'une certaine manière, une population captive. Et puisqu'on ne pouvait pas déménager, la propriété savait très bien qu'on ne pouvait pas déménager. Donc, il n'était pas forcé de prendre la main de responsabilité pour son tendu. Ni pour vous, parce que si tu réussis de déménager, tu vas déménager dans un autre tendu. C'est ça le gâteau, d'ailleurs. Mais quand même, malgré tout ça, il y avait beaucoup de vitalité, beaucoup de gens formidables. Il y avait de la musique, il y avait du théâtre, il y avait surtout nous. Tu vois. Harlem offre à l'observateur détaché un visage détaché. On oublie l'histoire de ces hommes et de ces femmes de couleur. On oublie même l'agent de police toujours présent et sur ses gardes au coin de la rue. Et personne ne remarque que ce visage est en vérité un peu trop détaché, qu'il n'est peut-être pas aussi ouvert ou aussi insouciant qu'il en a l'air. Si des troubles éclatent avec plus de violence qu'à l'ordinaire, comme en 1935 ou en 1943, on les accueille avec chagrin, avec surprise, avec colère. L'hostilité sociale du reste de la ville s'en repaît, comme si c'était là la preuve de ce qu'on avait toujours dit. Et cette hostilité s'accroît. On prononce des discours, on crée des comités, des commissions d'enquête, on prend des mesures pour atténuer le mal sans pour autant agrandir ou démolir le ghetto. Le but est d'alléger son passif social, procédé à peu près aussi efficace qu'un maquillage sur un visage de lépreux. Chronique d'un pays natal. Était transmis dans la famille du père ou du grand-père ou des ancêtres. Il y avait des histoires, il y avait des interdits, il y avait tout ça, il y avait des histoires moitié compris par un gosse, des histoires racontées à vous directement et aussi des histoires plus sanglantes que tu pigeais au fur et à mesure que tu commençais à grandir. Il y avait surtout le. On était conseillé de jamais accepter d'être traité comme ça un nègre par n'importe qui. Et que ce jugement était faux. Et on ne devrait jamais. Subir. Jamais. Par n'importe quel moyen. Le fallait insister qu'on n'était pas du tout l'image portée par les Blancs sur les Noirs. On ne devait pas être à leur merci, ce bon Dieu-là. Parce que ce moment-là, c'est toi qui fais le suicide. Tu es rentré dans un complot. C'était ça surtout. Thank you. could there be a Chinaman's chance for me? Oh, sing song, girl, although I know you fool a fella, could you do a thing like that to young Sam Lee? Some night, sing song, lady, puff a little smoke with me. I come, catch him up, maybe to my shop will free. Who'll be mine? I'll bet you all the tea in China. Sing a little love song, sing song, girl, for me. Il y avait de cela bien des années. Ruth se rappelait leur maison si pauvre et laide qui se dressait à l'écart des autres habitations, aussi nue et fragile sur le sol pierreux qu'une boîte de carton. À l'intérieur, il faisait d'ailleurs aussi noir que dans une boîte de carton renversée. Il pleuvait lorsque la pluie tombait, on y gelait quand le vent soufflait, et en juillet, on pouvait à peine y entrer. Ils s'efforçaient de tirer leur subsistance d'un sol qui ne produisait plus rien depuis longtemps. Au cours des années, ils durent s'habituer à compter de moins en moins sur la terre et davantage sur les bateaux à huîtres, ainsi que sur les gages et les restes que sa mère apportait des cuisines des Blancs de la ville. Sa mère peinait encore dans les cuisines des Blancs en chantonnant des doux hymnes religieux, fragile, le regard résigné et courbé de fatigue. Son père travaillait toujours sur les bateaux à huîtres. S'il mourait demain, après une vie de labeur, il n'aurait pas de quoi payer leur linceul. Face à l'homme blanc. Sunday is blooming. My hours are slumberless. Dear, it's the shadow. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Oui, j'ai commencé à écrire dès que j'ai commencé à lire. J'étais fasciné par les mots. J'étais aussi fasciné par les gens. Et donc, je me suis amusé d'imaginer des histoires autour de un tel, surtout les gens dans l'église, plutôt mes instituteurs dans l'école. Ça m'amusait. Enfin, j'ai pas pensé d'être écrivain, pas du tout, parce que. C'est inimaginable ce moment-là pour un garçon de cette génération et dans une telle situation. Je pensais plutôt d'être peut-être musicien. Mais ça, on avait un piano à un moment donné, jusque j'avais peut-être 7 ans. Et par la suite, il y avait une espèce de crise économique quelconque et on a perdu le piano. Et donc, c'était la fin de cette... Et j'ai commencé, j'écris des pièces pour l'église, et des chansons, et des trucs pour Pâques, des trucs pour Noël, choses comme ça, épouvantables. Et Finalement, quand j'ai quitté l'église, j'ai quitté la maison, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que... Vous avez quel âge, là? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Mon père était... J'ai quitté la maison, j'avais 17 ans. Mais pourquoi? J'ai quitté la maison pour... Parce que... Parce que je ne pouvais plus... J'étais prédicateur dans l'église pendant 3 ans. Quel genre de prédicateur? Tranquille ou passionné? Passionné plutôt. Mais surtout, surtout très jeune. Et non, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus le faire parce que je ne croyais plus. Je croyais pas de même façon de toute façon. On était contre vous déjà? Non, il n'y avait personne contre moi. Ils étaient très, très inquiets pour moi parce que... Mais qu'est-ce que vous disiez quand vous étiez prédicateur? Qu'est-ce que vous faisiez passer comme message déjà? Moi, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. On essayait de... Je suppose que c'est le rôle de prédicateur de... consoler, on essaie d'apprendre, de comprendre plutôt, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de souffrance dans tout ça. Il y avait une vraie souffrance. Il y avait des autres choses aussi, mais il y avait ça. Et je me suis rendu compte que quand j'avais 17 ans, que je ne pouvais plus répondre à ça. J'étais trop jeune. J'avais beaucoup appris, mais pour continuer, il aurait fallu que je commence à mentir. Et ça, je ne voulais pas. That is a good idea, I heard my mother say. She was staring at a wad of black velvet, which she held in her hand, and she carefully placed this bit of cloth in the closet. We can guess how old I must have been from the fact that for years afterwards, I thought that an idea was a piece of black velvet. My name is James Baldwin. C'était « Je m'appelle James Baldwin », premier temps d'une série de 5 entretiens avec l'écrivain américain pour les chemins de la connaissance, proposé par Jean Dève, diffusé pour la première fois le 20 avril 1987 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.